aujourd'hui à Assemblage requis. Mathieu nous parle de gadgets dans la chronique technologique CNX. Et Maxime Lemieux Laramé, le meilleur des Laramé, vient nous parler de nouveautés musicales dans son blog Télécharge quoi. Ça fait beaucoup de M tout ça, mais c'est parfait pour la meilleure des émissions. Yo! Assemblage requis aujourd'hui, 15h.